Alors riche, étoile riche, parce qu'il y a de riches. Y'a le riche qui est toujours en voyage, et celui qui est en vacances ne va qu'à la plage. Y'a le riche qui prend les femmes pour des bitches, et celui qui n'a qu'une femme, qui l'appelle ma biche. Y'a le riche qui s'ajoute tous les jours, et celui qui ne jouera jamais avec l'amour. Y'a le riche invité à des plateaux télé pour insulter, et celui qui ira à la télé pour parler de la précarité. Y'a le riche qui se la pète, qui fait des grosses fêtes, qui change de femme comme de chaussettes, qui ne bouge jamais de la tête. Celui que personne n'aime, même pas sa propre mère, il a tué son père pour toucher l'héritage. Comme quoi, le meurtre n'a pas d'âge. Celui qui dépense l'argent comme une boîte de l'eau, celui qui n'arrête pas de faire le beau. Y'a le riche qui va toujours en voyage, et celui qui est en vacances ne va qu'à la plage. Y'a le riche qui prend toutes les femmes pour les bitches, et celui qui n'a qu'une femme, qui l'appelle ma biche. Y'a le riche qui se la joue tous les jours, et celui qui ne jouera jamais avec l'amour. Y'a le riche invité à des plateaux télé pour insulter, et celui qui ira à la télé pour parler de la précarité. Qui roule en Ferrari et qui ne lâche pas le regard. Celui qui te voit comme un connard, presque il te traite de race inférieure, alors qu'il insulte le ministre de l'intérieur. Celui qui se permet de rouler à fond sur la route, qui fauche des femmes et s'en va comme à Beyrouth. Il se permet de prendre les gens comme des moins que rien, mange le caviar comme un gros porc et comble sa faim. Celui qui peut faire des crimes, puis après allonge la mise. Celui qui a corrompu tout le monde, qui escroque les gens comme dans une ronde. Celui qui est un petit pervers, essaye de se taper des jeunes, mais aussi des mères. Celui qui se croit tout permis, même de jouer au docteur avec des tout petits. Celui qui a eu trop de succès, et dès qu'il a une ride, on se fait botoxer. Le riche qui écrase les paparazzi, juste parce qu'il a eu un moment de folie. Le riche qui crache les insultes en interview, qui montre un mauvais exemple aux petits. Ou le riche qui fume comme un pompier à la télévision, qui montre que pour être riche, font un cancer du poumon. Le riche qui rentre bourré chez lui après le bar, qui frappe sa femme et traite son fils de bâtard. Ce riche qui va plus au casino qu'à la maison, celui qui par semaine gagne déjà des millions, qui magouille trop de trucs, puis va faire un tour en prison. Y'a le riche qui va toujours en voyage, et celui qui est en vacances ne va qu'à la plage. Y'a le riche qui prend toutes les femmes pour les bitches, et celui qui n'a qu'une femme, qui l'appelle ma biche. Y'a le riche qui se la joue tous les jours, et celui qui ne jouera jamais avec l'amour. Y'a le riche invité à des plateaux télé pour insulter, et celui qui ira à la télé pour parler de la précarité. Celui qui n'a pas assez d'argent, alors va jouer au méchant avec quelques braquages de banque, juste pour combler quelques manques. Celui qui tue quelqu'un pour l'adrénaline, qui est au tribunal, envoie une grosse prime. Celui qui se moque de la précarité, qui croit que donner de l'argent, c'est se faire enculer. Celui qui voit la misère et au pauvre dit, va niquer ta mère. Celui qui se croit dans les films et qui sniffe de la coque pour toucher la cime. Le riche qui se croit polygame, qui a autant de femmes que de gammes, qui a 25 appartements et qui laisse à la rue des dizaines de mamans. Celui qui me dit, je ne suis pas riche, je fais des économies, alors qu'il passe sa vie dans les magasins à 5 gardes du corps et une vingtaine de chiens. Celui qui ne cherchera jamais un euro, mais qui envoie des millions à son casino. Y'a le riche qui va toujours en voyage, et celui qui est en vacances ne va qu'à la plage. Y'a le riche qui prend toutes les femmes pour les bitches, et celui qui n'a qu'une femme, qui l'appelle ma biche. Y'a le riche qui se la joue tous les jours, et celui qui ne jouera jamais avec l'amour. Y'a le riche invité à des plateaux télé pour insulter, et celui qui ira à la télé pour parler de la précarité. Le bon riche, lui, n'a pas 6 châteaux, et celui où il vit accueille les clodos. Faut que nous fassions la différence entre plusieurs factions. Le riche qui gaspille dans les actions, et le riche qui aide les associations. Dans son cerveau, l'argent n'a pas fait la révolution. Il pense à ses potes et à sa famille. Il n'a pas 3000 portes avec les poignées qui brillent. Lui, il va en voyage en Afrique pour construire des écoles. Il ne va pas se faire du fric et pas rouler en bagnole. Devant des gosses qui aimeraient bien vivre, le bon riche marque une pause devant un pauvre mec qui demande une livre. Lui qui donne des fonds à la mairie, qui souhaite organiser le téléthon. Il aime les voitures, mais pour la collection, pas pour serrer les pétasses et rouler à fond. Alors plus jamais ne confond le riche égoïste et celui qui a un bon fond. Le bon qui arrive à l'heure quand il s'agit d'aider les gens.